voir. J'ai fait des promesses, les dés sont jetés. Maintenant je peux plus me permettre de décevoir. Jamais demandé à l'aide quand tout s'effondrait. Traverser du désert sans désert et des lunes à questionner. C'est le croire qu'on me répondrait. Moi je rien, j'ai que ma fierté. Je peux plus chômer. Les sirènes changent la mer toute l'année. Je suis pas pyromane. Pourtant je rêve de tout cramer. Faudra pas s'étonner le jour où je vais les canner. Je connais les jobs de merde, la S, les coups qui fuient sur le palier d'en bas. Je connais les drogues, la cesse, le regard vide à poteau qui part en bas. Je veux pas qu'on stoppe en plein vol comme Alia. Beaucoup d'ennemis, très peu d'alliés. Les buts se déguisent, les aléas. Dans mon jardin secret, Noël d'Alia. Je t'en pue l'autre joue, je mettrai pas le genou à terre. Laisse les gagner la bataille tant qu'on remporte la guerre. Je t'en pue l'autre joue, je mettrai pas le genou à terre. Non, non, quel qu'en soit le coup, l'avenir ce sera nous à terre. Je préfère m'isoler, je suis en état d'ébriété, c'est mon trop saoulé. La tête sous l'eau, je cours tellement après mes rêves, je me réveille essoufflé. Quoi qu'il en soit, on n'a plus rien à perdre. Le temps passe certainement pas la peine. Est-ce qu'on changera, je t'avoue, j'y crois à peine. L'équipage réduit me fait beaucoup de peine. Demain, demain, tout ira mieux. Demain, demain, tout ira mieux. Demain, demain, tout ira mieux. Demain, demain, tout ira mieux. Assombri de la veille, encore la sombre dans la taille. À trop faire le tour de la boîte, finis par faire le tour de ma paye. La tête dans les nuages, je suis grave matraqué. Faudrait que je me reprenne, j'ai des années à rattraper. Déjà longtemps que je patiente, dans la rue à rêver d'une vie que j'aurais jamais. Pareil, plus c'est inaccessible, plus c'est attrayant. Je ralentis si la vie n'est qu'un trajet. Pardonnez-nous pour tout le mal qu'on a fait. Nuages méfiants pour oublier nos méfaits. Trop souvent sous l'emprise de Jack, cette salope d'Hennessy et tous ses effets. J'oublie pas où j'ai grandi, plus loin des nantis. Proche des affranchis, le cercle s'agrandit. Adolescent, 5 ans décent, j'ai mis le feu au bout de sans garantie. Tel que mon écho qui me résonnera, j'ai pris trop de cartons, j'ai commis des fautes. Je suis ni du ghetto, je suis ni du gotha, je ne suis ni des leurs, je ne suis ni des vôtres. Mes yeux vers le ciel, je m'enfonce un peu plus dans le siège. Mes yeux vers les dièges, je m'enfonce un peu plus dans le piège. Je rêve partir d'ici, seul Dieu au-dessus nous sait ce qu'on peut commettre. Me parler plus droit, je me sens plus mythique, je ferai toujours le même vœu devant les comètes. Hey, quoi qu'il en soit, on n'a plus rien à perdre. Le temps passe certainement pas la peine. Hey, est-ce qu'on changera, je t'avoue, j'y crois à peine. L'équipage réduit me fait beaucoup de peine. Demain, demain, tout ira mieux. Demain, demain, tout ira mieux. Demain, demain, tout ira mieux. Demain, demain, tout ira mieux. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès 22h minuit la 25e. Aïe. Il est minuit passé, on est dans la 25e Ouais. Ok, il est minuit passé. Normalement on est censé rendre l'antenne, mais on va continuer. On a encore quelques questions à poser à M et Dance. M et Dance, pardon. M et Dance, hein. C'était ça qu'il nous a dit. Exactement. Exactement. Mon micro est allumé ou pas? Oui, Ah, parfait. Je ne m'entendais pas. Donc, pour ceux qui nous rejoignent vraiment tardivement, on est toujours dans la 25e. La première heure, c'était la spéciale CDG, la Cour des Grands. C'était Big et Zif. Ils sont venus de Vesoul. Petite interview, rime facile, comme d'hab, interview. Et puis, dans la deuxième heure, mais du coup, ça s'est décalé jusqu'à 23h30. 23h30, Mam s'est arrivé, M et Danse. Il est venu pour nous parler un petit peu de danse, un petit peu de son parcours, de tout ce qu'il y a ici. C'est le premier danseur qui vient dans l'émission. Donc on est content de l'accueillir, de promouvoir les cultures urbaines dans leur globalité. Jounès, apparemment, tu as été manager d'un groupe de danse. Ah gros, les gens ils me sous-estiment, t'as vu. Moi je suis là, je parle pas, voilà. non, mais manager, non, c'est une connerie. Ils sont entraînés à la MJC de Morapont, puis tu sais, j'étais là, c'était mon fief un peu à l'époque. D'accord. Donc, entre atelier d'écriture, entre demander d'avoir un studio et eux qui dansaient là, tu vois, je traînais là, quoi. Ok. C'est ça le délire. Eh ben. Ah, comme, voilà. comme dit Mams, t'es un chat, t'as combien de vies? 9 8 C'est combien le chat? Non, j'ai assez 7 d'habitude. C'est 7. C'est moi, lui il a 8. Le truc c'est que. Plus fort que le chat. À chaque étape, je débloque des personnages. Ah, ok. Là, j'ai débloqué un autre personnage. Là, vous allez. là, le premier, c'était personnage manager Diamonds. Ouais, celui-là il est arrivé un peu plus tard. J'ai eu un personnage. Là, tu viens de débloquer le. Lou Reed. Ah non, Lou Bloom. Lou Bloom. Ouais, même lui, c'est plus. Non, mais je pensais à Lou Reed, la chanson. Enfin, bref. Concentrons-nous. Revenons à M et Danse. On est toujours dans la 25e. On prend un petit quart d'heure de temps additionnel. Là on est dans le dernier quart d'heure. Tu vois, là, c'est là c'est où, le money time. C'est là où faut, tout se passe. Voilà, faut marquer grand des paniers. Time. Faut envoyer tous les ballons dans les buts. Faut faire tout ce que tu veux. Clutch. Mams, j'avais une question parce que en fait je l'ai jamais posée à un danseur. Ok. Je la pose toujours à des rappeurs, tu vois. Question tabou. Non, pas du tout. C'est qu'est-ce qui t'inspire dans la danse? Qu'est-ce qui te donne envie de danser? Qu'est-ce qui te fait faire ce genre de mouvement, tout ça avec ton corps, tu vois? C'est la drogue. en vrai, tu c'est un peu comme ça. Tu sais, en vrai, tu parles à des rappeurs, tu leur demandes, il y en a, ils te disent j'ai besoin de fumer, tu vois. Mm-hmm. Mon inspi, c'est la fume, c'est la tease, tu vois. Mm-hmm. Mais toi, t'as besoin de ça? Non, pas forcément. Non. Je pense. Moi, mon inspiration, en fait, ça vient de la vie, en fait, tout simplement, en fait, des gestes que je peux faire des fois ou des gestes que je peux voir. Là, en ce moment, j'essaie de m'ouvrir un petit peu plus à la danse contemporaine parce que c'est assez intéressant au niveau de l'expression. Ça laisse beaucoup plus de liberté aussi et ça se mélange beaucoup avec le hip-hop et très bien. Du coup, j'essaie un petit peu de m'inspirer de tout ce que je peux voir en fait dans la rue et derrière aussi il y a quand même pas mal de travail sur les bases du hip-hop, donc après il y a tellement de moves et de vocabulaire que en fonction de ses capacités, en fonction de son style, de son ressenti, on va aller chercher le bon vocabulaire qui nous correspond. Vu que c'est assez libre, on peut personnaliser un peu, parce que en fait la personnalité elle est toujours au-dessus en fait chez le danseur. On a les bases, donc tout ce qui est rythme, parce que voilà, c'est un peu la base de la danse. Oui. Ensuite, il y a la technique. Une fois qu'on a travaillé la technique et qu'on est dans une maîtrise technique par rapport à ce qu'on fait, ce qui vient au-dessus, c'est la personnalité. Donc ma personnalité aussi, je pense que je joue énormément dans ma danse. Et j'essaie vraiment d'avoir quelque chose qui me ressemble à moi et qui ne ressemble pas forcément à un autre danseur. Et comme on dit en hip-hop, il doit y avoir autant de styles que de danseurs. Donc moi, mon style, il va varier en fonction de mon ressenti, en fonction de la musique que je vais avoir. Et j'essaie d'être ouvert au niveau de la danse. On me considère souvent comme un danseur hip-hop, mais moi, j'ai l'habitude de dire que je suis juste danseur. Mm-mm. Parce que je suis très ouvert à d'autres styles. Et déjà, au niveau des street dance, il y en a énormément. Il y a aussi d'autres styles de danse comme la danse contemporaine, les danses afro, etc. qui sont très très inspirants aussi. Donc j'essaie de puiser un petit peu où je peux au niveau de mon vocabulaire pour essayer de m'enrichir. Et le but du jeu après c'est de m'adapter par rapport au son, par rapport au ressenti que je vais avoir, par rapport au message que j'ai envie de véhiculer, l'émotion que j'ai envie de transmettre. Ok. Moi je veux juste rebondir un peu parce que j'ai pas rebondi aujourd'hui. Je veux rebondir. Tu dis que c'est la vie qui m'inspire. Donc moi, voilà, dans ma tête je me dis qu'en fait ta vie c'est un clip de Chris Brown. T'es là, tu marches dans la rue, tu vois un poteau, tu te mets à danser, tu danses. Gros, je t'assure que ça m'est déjà arrivé plein de fois de me retrouver en mode en garde à vue, ouais. C'est pas arrivé, c'est pas encore arrivé. Ça peut arriver, on sait jamais. Mais ouais, je me suis déjà retrouvé dans la rue en fait à me rendre compte que j'étais en train de danser sans m'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu chelou. Tu vois, genre t'as de la musique, t'es en train de marcher, mais en fait t'as un petit groove en même temps, t'essaies de taper une petite vague par-ci par-là. Arrête, je sais qu'on l'a tous fait ça, wesh. Non, mais là je te vois en mode clip américain, tu vois, c'est bizarre. Non, c'est pas à ce point-là non plus, tu vois, parce que c'est pas, il y a rien de chorégraphié, il y a rien de ouf, mais c'est juste du ressenti en fait, et ça peut m'arriver en cuisinant, ça peut m'arriver. Exactement. Tu vois. Les belles en cuisinant, c'est les yumis en cuisinant. Oh, je t'assure, tu soulèves le poulet comme ça, tu le jettes, tu le rattrapes avec l'autre main, tu fais une vague. Donc voilà, ça peut être ça peut être en faisant le ménage, ça peut être vraiment dans n'importe quelle circonstance. Des fois dans ma voiture, pareil, des fois, un feu rouge. Dans la piscine, dans le platane, je danse encore. Vas-y, vas-y. Et j'ai vu, du coup, tu nous disais que du coup, tu vivais de ça, tu vivais de la danse. Oui. Et j'ai vu que tu avais fait justement, enfin tu fais, ou tu avais fait un partenariat avec Cuts. Yes. K-U-T-S. Yes. C'est une marque de sac. Exactement, c'est une marque de sac. De sac. Yes. Ah, ok. De sac exclusivement. Comment ça s'est fait, en fait? Alors, à quel moment il y a un mec, il a un sac, il dit « Ah, lui, là, là, qui danse dans la rue, là, qui danse, là, avec ses écouteurs, là, lui, je vais lui mettre mon sac sur le dos et on va faire un bail. » Alors, en fait, c'est vraiment tout simple. C'est qu'à un moment, je cherchais un sac. Je suis allé dans un magasin pour... voilà, je me suis dit, je vais prendre un sac dans lequel je peux mettre mon ordinateur. En fait, c'était le seul... mon seul objectif, c'était de trouver un sac où je pouvais mettre mon ordi, donc avec une petite protection, tout ça. Et j'ai trouvé un sac, justement, Cuts. Un coup, j'ai mis une story sur Instagram. Je les ai marqués dessus. Ils ont checké ma page. Ils ont vu que je dansais. Il y a des choses qui leur ont plu. Et derrière, j'ai reçu une proposition pour faire une publicité pour eux. Et derrière, bah, est né ce partenariat qui continue toujours. Hein, voilà, ils me soutiennent pas mal dans ce que je fais au niveau des événements qu'on peut organiser ou des déplacements que j'ai à faire, etc. Tu peux avoir des sacs gratuits, là. C'est possible. Il y a un petit code, tout ça, pour les réductions, si jamais... Ah, influenceur. Donc, salut, le site, c'est cuts.fr, si jamais. Cuts.fr, vous allez voir. Ces sacs sont absolument géniaux. Et il y a la publicité dessus pour les curieux qui veulent aller regarder. Donc là, il vient de gagner 500 balles sur ses trois ans. Voilà, c'est comme ça qu'on vit la danse, tu comprends? Toi, c'est ça que je te disais, il danse le lundi, le jeudi il fait sa pub à la radio. Après, tu sais pas s'il danse, en fait, tu vois. Les autres jours de la semaine, il est tranquille. C'est un influenceur. Ok, j'avais besoin que tu me donnes des définitions ou des explications, mais en tac au tac. Ok. C'était le hashtag PLUAHF. Qu'est-ce que c'est? Plouaf. Ah, Plouaf. C'est Peace, Love, Unity and Having Fun. Ok, merci. Oh ben, merci de me l'avoir expliqué. Moi, je pensais plutôt que c'était un bruit d'un mec qui plouaf, tombe. Plouf. Ouais, moi aussi, j'avais pensé à ça. Plouf. Mais... Ouais, après, ça peut faire penser aussi au bruit de l'eau et ma danse est assez fluide des fois. Donc, ça peut être aussi ça, si jamais. Si vous voulez creuser un peu plus loin. On a le Victor Hugo de la danse, là. Le fluide, on t'a dit. Ok, il y avait ça, il y avait en quelques mots l'association Hexagone. Hexagone, association donc pluriculturelle, on essaie vraiment de toucher à plein de choses au niveau urbain, donc que ce soit art visuel, danse, musique, on essaie vraiment de faire bouger les choses, d'organiser des événements. D'ailleurs, il y a un battle qui arrive le 23 juin, une première, un battle à la Citadelle de Besançon. Okay. Les lions, les tigres. Donc voilà, c'est un concept qu'on va essayer d'amener. C'est un battle expérimental. Donc là, on n'est plus dans le cadre du hip-hop, mais c'est ouvert vraiment à toutes les danses, même les danses qui n'existent pas. Jeunesse. Donc jeunesse, si jamais tu veux t'inscrire. Le 23 juin. 23 juin. Bah, c'est bon, j'ai un mois. Voilà, on a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Winkle, qui organise aussi un battle expérimental, qui fait pas mal d'événements justement autour de la danse sur Paris. Voilà, il y a aussi la compagnie Kesha de la ville de Besançon qui nous soutient et je pense que ça peut être un good événement. Donc voilà, pour présenter l'association Hexagone, on va dire culture urbaine. Pardon. Donc à court terme dans les projets, donc là il y a le battle en juin. Exact. Est-ce que tu as d'autres dates à nous donner? Oui, donc j'ai parlé brièvement, donc pour aller dans la continuité des Nocturnes de la Citadelle. Ensuite, il y a 2-3 scènes qui vont arriver au niveau des galas de danse par rapport au cours que je donne. Donc il y en a à Dole, c'est le 22 juin. Il y a le gala de la maison de quartier de Saint-Ferjeu au Cursal, c'est le 28 juin aussi. La meuf. Voilà. Et tout s'enchaîne en fait, 22, oui, 23, 28. Exactement, là, en fin d'année, là, c'est un petit peu la période où tout s'accélère. Donc après, c'est reparti pour la Citadelle et l'année prochaine, on reprend les cours sur Besançon et alentour. Il y a de la meuf aussi. Il y a de la meuf aussi. Non, mais après, moi, je sais, dans les trucs de danse, voilà, il se trouve qu'il y a de la meuf. Hein. Ouais, mais tu sais d'où ça vient, ça? Ça, c'est un cliché, ça ou... Non, c'est pas du tout un cliché. C'est pas du tout un cliché, c'est juste que justement, le cliché de la danse est souvent collé aux meufs. Et souvent, les gars, ils osent pas franchir le cap. La plupart du temps, ils disent « Ah non, c'est un truc de meuf » et ils s'arrêtent là. Bah après, ça peut être compliqué. T'es là, tu fais un bail avec une meuf en legging. Enfin bref, vas-y. Heureusement qu'il est après minuit. Non, mais il peut y avoir des complications. Billy Elliot. Ils vont t'appeler, fais gaffe. Il peut y avoir des complications, mais bon, bref. Ah, j'ai reçu un message, tiens. C'est votre dernière émission. Ok, merci. Ok, bah tu sais quoi, franchement, moi je suis très content de t'avoir accueilli ce soir. J'aimerais bien qu'on puisse fixer éventuellement une autre date avec peut-être Hexagone. Yes. Nous, on est encore là, on va dire tout juin, juillet, on va faire un break en août. Ok. Donc, un break dance. Okay, ouais. Yes. Vas-y, battle. C'est mes chaussures qui bougent. Ok. Voilà. Si. Et non, en tout cas, ravi. Et puis, félicitations pour tout ce que tu fais, en fait, parce que on se rend pas compte, tu vois. Nous, on voit les vidéos, on voit les participations, mais on se rend peut-être pas forcément compte de tout le taf et puis tout le parcours, tout le chemin qui fait que ça t'amène ici ou tu vois aujourd'hui. Respire gros. Donc non mais j'ai pas envie de respirer en fait. Là je suis en train de te dire que non mais voilà big up, tu vois, je te big up fort. Yes. Toi, tous les danseurs de Bezac. Merci. Tu vois, même tu t'as cité Rescapé, moi j'étais petit, je les voyais à la MPT et tout ça, tu vois. Rion, Sergio. En vrai, ils en ont inspiré Rescapé. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'en vrai, on est une grande ville, enfin une moyenne ville d'artistes, tu vois, pluridisciplinaire. Exact. Et justement, l'émission est faite pour ça. Donc, je serais ravi de vous accueillir et que vous puissiez parler de tous vos projets, de tout ce que vous avez fait. Mm-hmm. Donc, en même temps, s'il y a d'autres danseurs, s'il y a même, je ne sais pas moi, des graffeurs, des assos un peu culture urbaine et tout ça, l'émission est faite pour ça. Et en tout cas, merci. Bah, merci beaucoup à vous, encore une fois, pour l'invitation, pour la confiance et pour la prochaine invitation qu'on essaiera de répondre favorablement. Je vais en parler à l'association. Normalement, il n'y aura pas de souci. Donc, je vous donne déjà mon accord de principe et je vous confirmerai ça. Yes. Donc, on viendra avec plaisir parler de l'association et merci à vous de faire aussi bouger les choses, de nous permettre aussi de pouvoir nous exprimer, de pouvoir nous faire connaître. Vous faites aussi partie, pour moi, des acteurs culturels de la ville, parce que, et non pas que de la ville. Ça fera 100 balles, ça. Là, j'ai vu qu'il y avait des rappeurs de Vesoul qui étaient là, donc c'est vraiment un rayonnement qui est régional. Big up à vous aussi pour faire bouger les choses et vous aurez pu vous limiter à la musique parce que c'est plutôt votre domaine de prédilection, personnellement. Le poney de Mais voilà, vous vous ouvrez aussi aux autres arts et c'est très honorable. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir de revenir discuter avec vous. Tu peux encore faire un petit placement de produit si jamais. Ah, ça fait un peu scotch. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, mais je vais pas les citer. Hexagone, Citadelle. Donc, on rappelle, le 22 juin... 23. Non, il y a 22, 23. Yes, 22 juin, il y a le gala de Dol. Le 23 juin, c'est le battle à la Citadelle. Le 28 juin, c'est le gala de la maison de quartier de Saint-Ferjeu. Et il y a les nocturnes qui commencent à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août. Yes. Voilà. Ok. Lourd. Eh ben, en tout cas, merci à M et Danse. On ne va pas faire... tu vois, parce que depuis tout à l'heure, je me trompais. Donc, Aimé Danse qui est avec nous pour la dernière demi-heure, la dernière heure. On a fait 3 heures presque au final. Au plaisir de te revoir. Merci. Même si partagé. Tu veux revenir une fois que tout sera passé, tu reviens quand tu veux. Avis à tous les danseurs, les danseuses, les assos, venez. N'hésitez pas, émission La 25e sur Instagram. Association La 25e sur Facebook, vous nous contactez, on est là tous les jeudis soirs de 22h à minuit, 43 rue d'Arène, radiosud.net, 101.8. Petit mot de la fin ? N'hésitez pas à venir, c'est du lourd les gars. Cut. 500 balles, c'est gratuit. Merci, émission La 25e, pour nous c'est terminé, on a 20 minutes de temps additionnel. Bon, je crois qu'on a marqué pas mal de buts, on a remporté la coupe à la maison. Je sais pas. Avec Giroud, ça va être compliqué. Et peace, love, unity and having fun. Ah, plouf, plouf. Et n'oubliez pas, demain matin, Abdel, mon ami Abdel, qui ouvre la matinale de 7h à 9h. Yes, la bonne humeur, tu connais. Allez, ciao sur radiosud.net, 101.8. Radio Sud Besançon, on est ensemble. La vie de mer. Radio Sud.